المؤذن يغتعد الأذان فيجوز يشرع plutôt الفطر de manger même s'il retarde, même s'il n'a pas fait l'Adhan. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع المعتبر غروب الشمس لا الأذان. المعتبر ce qui est pris en considération c'est غروب الشمس لا الأذان. Si le مؤذن يفعل l'heure, ففي الحقيقة on a pris en compte l'heure. المؤذن الحمد لله يفعل الأذان à l'heure. لكن si il avance ou si il retarde, فالعبرة سلا. On n'a pas à suivre le مؤذن في هذا الحال. إنما الطاعة في المعروف قال عليه الصلاة والسلام. Que ça soit avec les gouverneurs ou autres, l'obéissance c'est في المعروف. Le suivi c'est في المعروف. فسي un imam, un مؤذن, un savant يخالف الحق pour une raison, enfin, on n'a pas à le suivre. Celui qui doit être suivi c'est le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم. Et c'est là le problème. C'est que كثير من المؤذنين ils se basent sur les calendriers ou de nos jours sur les applications. Et beaucoup de ces calendriers ils retardent le maghrib من باب الاحتياط. Ou ils avancent le sahur من باب الاحتياط زعموا. Le مؤذن ربما il va suivre le calendrier et certains مؤذنون ils vont rajouter une sécurité de leur part. فربما le أذان sur le calendrier c'est à 17h, alors que l'asl c'est que c'est à 17h-10, et où il va encore ajouter à 10 minutes, ربما il va le faire à 17h05 ou 17h10. ففي الحقيقة الشمس غربت depuis quelques minutes. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير. Et حتى se baser sur les montres. Enfin, cette montre, elle peut retarder, elle peut avancer. C'est pas quelque chose de précis. فَلِهَذَا الْمُهِمْ et الْمَشْرُوْ pour le مُؤَذِّن, c'est qu'il se base sur le soleil. Voilà où, quelques fois par semaine, même si c'est pas tous les jours, لِأَنَّا s'il le fait pas tous les jours, il y aura pas une grande différence entre aujourd'hui et demain, مَثَلًا. لَكِنْ دَلَسِي رُؤْيَةُ الشَّمْسِ et se baser sur la montre, هَذَا sa cause ce problème dans les heures, que ce soit fi salat ou fi siyam. Pourquoi? لأن مخالفة السنة, il n'y a aucun bien. C'est pour ça que dans l'entrée du mois de Ramadan, on avait dit l'ibra, c'est بالرؤية, رؤية الهلال. Amma les calculs des calendriers, ça peut avancer, ça peut retarder. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il nous a montré la solution في هذا. فمخالفته صلى الله عليه وسلم, ça cause des problèmes et des divergences. قال رحمة الله عليه أي شيخ ابن عثيمين فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر. Si le soleil s'est couché et مثلا tu l'as vu ou on t'a informé que le soleil s'est couché et le مؤذن il n'a pas encore fait l'adhan, ففي هذا الحال t'as le droit de manger. قال ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب فليس أن تفطر. كذلك l'inverse, si le مؤذن il avance l'heure et il fait l'adhan et tu vois ou on t'a informé que le soleil il s'est pas encore couché, ففي هذا الحال t'as pas le droit de rompre ton jeûne. لأن on a encore في النهار et يجب الإمساك إلى غروب الشمس. هذا النقل من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه للطيب ستمضخ أن العبرة c'est الغروب et le matin طلوع الفجر الصادق. C'est ça l'ibra. Si le مؤذن il avance ou il retarde, on n'a pas à le suivre fi هذا الحال. لكن تنبيه, et on avait cité ce تنبيه في شرح عمدة الأحكام, أن si tu es avec des gens qui ne comprennent pas هذه المسائل, تعلمون أن العوام العبرة عندهم c'est le مؤذن. Ils ne connaissent pas ce genre de points, ils ne connaissent pas ces hadiths. فعندهم si le مؤذن il fait l'adhan, tu peux rompre. On prend l'exemple du maghrib. S'il ne fait pas l'adhan, عند بعضهم même ربما la nuit elle commence à tomber, il mangera pas. Enfin, dans ce cas, الحكمة, on leur montre بالتي هي أحسن بعلم. Tu leur expliques si tu as la قدرة et si ça fait des fitaines, فالتأني, comme il a démontré الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه, قال المسألة تحتاج إلى حكمة. Pourquoi? لأن البعض ربما ils ont été la cause de divergence dans leur masjid, أنهم المؤذن Il se lève pour faire l'adhan. Et ربما غربت الشمس تعلمون أن المؤذن أحيانا يغتارد une minute, deux minutes, trois minutes, أقل أكثر. Et tu trouves, بعض الإخوة ربما ils mangent devant tout le monde et ça fait des fitnes alors qu'ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas montré, ils n'ont pas conseillé. بل البعض ربما volontairement pour créer des polémiques et des fitnes عيادا بالله. Enfin, ça c'est pas من الحكمة. السني السلفي c'est une rahma pour les autres. S'il est à l'ilm, il montre aux autres. Et si ça fait des fitan, tu as montré, ils n'écoutent pas. Enfin, tu peux manger chez toi à l'heure. Thumma, tu viens, tu vas au masjid, ou tu salli, et t'évites. Al-qil, ou al-qal, ou al-munaqashat, al-fariqa. Et la division, et Rabbama, ils ont une mauvaise image des gens de la sunna. Tout ça, pourquoi? Par manque de hikma. Al-Kalam, Cheikh Al-Albani, il est mauvais. On l'avait lu dans le sharh de Umdat al-Ahkam qu'on avait fait avec les frères il y a deux ans. Enfin, celui qui le veut, qui veut écouter Kalam Cheikh Al-Albani, yuraji' kalamuhu rahmatullah alayhi fi as-silsila silsilat al-huda wan-nur fala ifrat wala tafrit fi hadha al-bab. On fait attention de ne pas retarder bila haja, et كذلك on fait attention de ne pas manger كذلك avant le waqt, لأن الوعيد il est شديد. Rompre le jeûne alors que le soleil ne s'est pas couché. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كانه حديث نعم الإسراء والمعراج. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il a vu بعض الناس se faire châtier. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أجداقهم دما. Il a vu un qawm qui était accroché. Et le sang écoulait. Ils étaient accrochés, iyadam billah, avec des crochets min hadid. Et le sang écoulait. Faqultu man ha'oula. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, man ha'oula. C'est qui ha'oula? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir ce châtiment? Faqala ha'oula, alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. C'est ceux qui rompaient leur jeûne avant l'heure. Et avant الغروب avant وقت المغرب. الحديث صححه الإمام مقبل الوادعي رحمة الله عليه في الجامع الصحيح. Donc لا إفراط ولا تفريط. Rompre le jeûne, se précipiter à le rompre. إذا غربت الشمس. Quand le soleil s'est couché. Et le retarder بغير حاجة. On n'a pas besoin de هذا. بل c'est من صفات اليهود. وتشبه باليهود في هذا الباب الروافض الزنادقة. أنهم يغمّ لرجل الروافض الرافضة، ils ont pris comme exemple اليهود حتى les étoiles elles apparaissent. أي la nuit elle est vraiment tombée. أي ربما une demi-heure أقل أو أكثر après الغروب. هلا نحن on se précipite à rompre dès que l'heure elle est arrivée. أي dès que le soleil il s'est couché. والإمام ابن المنقّن رحمة الله عليه في شرحه على عمدة الأحكام إلى ستة فوائد الحكم. أي pourquoi c'est mieux de se précipiter à rompre le jeûne et ne pas attendre. إلى ستة plusieurs points qu'on a résumé هنا. قال رحمة الله عليه ومنها إنما حظ صلى الله عليه وسلم على التعجيل للفطر لئلا يزاد في النهار من الليل فيكون زيادة في الفرض. لأن si on continue à jeûner alors que le soleil s'est couché, c'est comme si on était encore en journée, et ça rajoute dans l'obligation de siyam, alors que l'obligation elle s'arrête عند الغروب. Mais celui qui ne rompt pas, لأنه il sait pas, c'est involontaire, il a pas eu le temps, لا يتعمد فلا شيء عليه. Mais celui qui le fait volontairement, il pense que c'est mieux, comme ils ont fait الروافض, هذا سبب البدع والانحراف وكذلك التشبه باليهود. ومن الفوائد أن ذلك أرفق للصائم. وهذا الدين il est fondé sur le rifq, sur le rahma. Donc c'est une facilité pour celui qui jeûne. أن la durée elle est terminée du jeûne, c'est من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, jusqu'au coucher du soleil. Il n'y a aucune utilité de repousser. لأن الوقت il est fini. Et ce din il est fondé sur le rahma. Et l'exagération ça ne fait pas partie de notre din. من الفوائد كذلك قال فيه الرد على الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم. كذلك ce hadith c'est une réplique à هؤلاء الزنادقة الضلال. annahum, ils retardent volontairement. Et fil haqiqa, hum, c'est pour contredire les muslimoun. Fali hada tashabbahu bil yahoud. Ils ont ressemblé à l'yahoud. Fi hada al-bab wa fi ghayrihi. قال كذلك من الفوائد يؤخذ منه ايضا اي الحديث تقديم الفطر على الصلاه لانه ابلغ في التعجيل نستفيد من هذا الحديث كذلك ان avant de faire la salat on rompt le jeûne on coupe notre jeûne ولو avec un verre d'eau لماذا لان si on fait salat خاصه les hommes qui vont au masjid ربما le temps que tu ailles au masjid, le temps qu'il fasse la salat, le temps que tu reviens chez toi, ربما la nuit elle est tombée. Fi hadha al-hal, tu peux pas appliquer ce hadith. Fa avant de te rendre au masjid, avant de faire la salat, hatta les femmes qui font la salat chez elles, avant de faire la salat, là on doit appliquer cette sunna de couper notre jeûne. Et Cheikh Al-Fawzan il va citer cette mas'ala. Naam, il l'a cité. Fa on la lira ensemble inshallah. قال فيه أيضا الحث على اتباع السنة وترك مخالفتها وأن فساد الأمور بتركها الخير اللي في اتباع السنة طيب اكزامبل هنا avec الإفطار لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر et الشر اللي في مخالفة السنة donc celui qui veut être على خير et mourir على خير بإذن الله جل وعلا qu'il fasse des efforts dans le suivi de la سنة أما les gens, ils te sont d'aucune utilité. لأن كثير من الناس sont à la bâtel, les suivre, ça arrange rien. Et la critique des gens, كذلك, ça te fait aucun mal, أخي الكريم, si t'es à la thabat. أما contredire la sunna, ça fait du mal. Et délaisser la sunna, ça fait du mal. Un exemple, هنا, avec l'iftar. هذا ما يتعلق بتعجيل الإفطار. Donc, se précipiter à rompre son siyam. C'est une sunna.